Vous écoutez donc toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant notre nouvelle chroniqueuse à l'émission. Il s'agit de Christiane Dupont. Bonjour Valérie. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors, j'aimerais te présenter d'abord en quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Tu es biologiste. Mm-hmm. Tu as fait une maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS ETE à Québec. C'est pas très loin, oui, c'est ça. C'est tout proche d'ici. Ouais. D'ailleurs, on a invité dernièrement Michel Lavoie qui oui, est oui, actuellement oui, à l'INRS. Et alors maintenant, tu travailles à la CAGEC, c'est la Corporation d'action de gestion environnementale à Québec. Oui. De Québec. De Québec, voilà. L'environnement. C'est ça. Ça veut dire que tu continues finalement oui. sur à gérer le patrimoine oui. naturel. Oui, le patrimoine naturel en milieu urbain. En milieu ouais. urbain. Ouais. Mais là, on va changer un peu de sujet, bah, même carrément. Parce que, Christiane, comme bien du monde, tu sens les fêtes arriver. Eh oui. Tu commences à avoir des visions de quelques bons plats à cuisiner. Mmh, à oui, c'est le temps des fêtes. Et puis, comme tu es une cuisinière émérite, ça, c'est mon petit doigt qui me le dit, tu as accepté de nous livrer tes secrets pour bien réussir notre bûche de Noël. Oui, oui, c'est ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Ouais, mais à première vue, ça paraît un peu déplacé dans une émission de culture scientifique. Puis, on dit, en plus des émissions de cuisine, il y en a plein. Pourquoi en faire de plus? Ben oui, pourquoi parler de ça? Ben, ouais, pourquoi parler de... Où est le rapport entre la science et la pâtisserie? Ben, on pourrait se poser la question, mais en fait, c'est... Faire un gâteau, c'est mélanger plein d'ingrédients ensemble. On met ça dans le four, c'est un peu de la magie. Puis ça devient un produit complètement différent. On ouvre le four, waouh, ouais. ça n'a pas le même goût, ça n'a pas du tout le même aspect visuel. Et où la science là-dedans? Ben, elle est partout, c'est de la chimie, en fait. De la chimie. C'est une suite de réactions chimiques entre les ingrédients du gâteau qui... vont former notre superbe bûche de Noël en bout de ligne. Donc, la science, elle est vraiment partout dans la chimie des aliments, entre guillemets. Bien sûr, dans le cadre de la chronique présente, ça va être vraiment un survol, hein, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures de toutes les petites réactions chimiques qui font qu'on réussit ou qu'on rate un dessert, mais oui, il y a vraiment de la science dans la pâtisserie. Mais peut-être qu'on pourra en reparler d'ailleurs, oui. vraiment en 2011, parce que 2011, c'est l'année internationale de la chimie. Je pense oui, à ça tout oui. à coup. Ben, c'est vrai. On va en faire plus bien entre la chimie et l'alimentation. Ben oui, il y a plein de choses à dire. Mais donc, en revenant donc là aujourd'hui sur la oui. pâtisserie, oui. Bon, peut-être qu'on peut partir des ingrédients. Il y a sûrement des ingrédients clés dans la pâtisserie qui sont essentiels à la plupart de nos gâteaux, de nos préparations. Évidemment, et je pense que la plupart des auditeurs le savent également. Pour faire un gâteau, habituellement, on a besoin des œufs, mm-hmm. de la farine, du sucre, matière grasse qui est souvent du beurre, mais ça peut varier, et un liquide qui est souvent du lait. Donc là, ça, on a la base hein, ouais. avec ça. Donc, on commence par les œufs? Oui, parlons œufs. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement, à part un jaune et un blanc? Ah ouais, bon, on va dire ben, pourquoi il faudrait expliquer ça, mais un peu plus précisément, un blanc d'œuf, c'est fait à 90 % d'eau. Et à 10 % de protéines. Il mm-hmm. faut se rappeler de ça, ça va être un peu plus, ça va être important de s'en rappeler au cours de la chronique. Ces protéines-là ont des particularités vraiment très importantes en pâtisserie. Il y a environ une douzaine de sortes de protéines différentes juste dans le blanc d'œuf. Ah oui. Le jaune d'œuf est fait d'un tiers, de matière grasse environ, 17 % de protéines et le reste c'est de l'eau. Alors, donc c'est vraiment le blanc et le jaune n'ont pas du tout la même nature. Petite parenthèse intéressante, saviez-vous que la couleur du jaune d'œuf, l'intensité du jaune, dépend de l'alimentation de la poule? Ben non, je ne savais pas. Et oui, donc plus la poule mange de la verdure, ouais. Avec beaucoup de vert, de pigments verts, ben le jaune va être plus jaune. Ah, donc si on ouvre nos cocos et puis ouais. qu'ils ont un jaune bien jaune, on peut dire ça, ils viennent de poules qui ont mangé de la bonne verdure. Ben voilà, c'est pas de la moulée. C'est ça, alors c'est intéressant de pouvoir... Est-ce qu'on pourrait les teindre d'une autre couleur? Ou Peut-être, on pourrait leur demander avoir des jaunes d'œufs violets. Ou rouge pour Noël, ça pourrait être intéressant à voir. Bon, je vais ici parler d'un premier type de, ouais. de dessert où les œufs ont vraiment un rôle important structurel. C'est les crèmes dessert. Les crèmes dessert, on entend les crèmes anglaises, les crèmes brûlées, les crèmes caramel, le genre de crèmes qu'on démoule, hein, qui ont une texture un ouais, peu gélatineuse. Ouais. Oui. Eh bien, c'est causé par la coagulation des protéines de l'œuf avec la chaleur. Coagulation. Donc, ça veut dire quoi exactement, là? Ça veut dire que les protéines vont, avec la chaleur, se coller, se redécoller. J'explique. Au départ, température pièce, mettons, les protéines, on peut voir ça comme une grosse corde de bateau, là, vous voyez? Mm-hmm. Une corde, c'est plusieurs petits brins enroulés sur eux-mêmes. Mm-hmm. Ça, c'est une chaîne d'acides aminés, une chaîne de protéines. Avec la chaleur, les petits brins de la grosse corde vont se séparer individuellement. Là, pendant la chaleur, donc les petits brins, ils se promènent un peu dans le vide, là, comme ça. Une fois qu'elle est qu'on remet la solution avec des œufs refroidis, comme au frigo, les protéines vont vouloir se retrouver ensemble à leur état originel de départ. Mm-hmm. Mais au lieu de pouvoir se retrouver directement, ils vont englober dans leur réseau le sucre, le lait qu'on a ajouté à la crème caramel. Un ciment. Oui, un peu un ciment. Ça donne la structure vraiment à la crème caramel ou à la crème brûlée ou à la crème anglaise. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe si on les fait trop cuire? Si on les fait trop cuire ou trop vite ou trop violemment, il ne faut pas violenter les œufs, les protéines, les petits brins vont se replier trop sur eux-mêmes et ça va donner des œufs brouillés. Ah, d'accord. Donc, la grosse différence. D'où l'importance, pour ceux qui ont déjà tenté de faire des crèmes dessert d'un bain-marie, de faire réchauffer tranquillement la crème pour ne pas la faire chauffer trop vite. Trop fort. Ah, donc, c'est pas par hasard qu'on a marqué cette étape au bain-marie. Si on fait la même chose à la même température dans la four, ça marchera pas. C'est ça, général, c'est pas pour faire beau, chic, c'est compliqué. En général, il y a une raison pour les étapes en cuisine. Exactement. Alors, sauf que les explications ne viennent pas toujours avec non, les... Mais non, c'est ça qui est intéressant. On se demande si c'est vraiment utile. Pourquoi cette complication? On a le goût de la sauter maintenant. Autre petite parenthèse rapide sur la meringue, un dessert qui implique seulement des blancs d'œufs et du sucre habituellement. Donc, comme je l'ai dit juste avant, ce sont les protéines des œufs du blanc d'œufs. Quand on fouette très, très, très rapidement, elles vont emprisonner les petites bulles d'air et les petites bulles d'eau. Et c'est ce qui fait notre meringue. Donc, petite parenthèse. Une croustillante, un petit peu. Oui, voilà, c'est grâce aux protéines des blancs d'œufs. Oui. Et puis, alors, on ne fait pas non plus un gâteau sans mettre de la farine. Non. Ça, la farine, c'est essentiel. Et ce dont je vais parler aujourd'hui particulièrement, c'est le gluten. On a peut-être déjà entendu ça, c'est un peu à la mode. On en parle plus, c'est ça, c'est ça. Intolérance, mais quelqu'un qui n'est pas intolérant, on en mange beaucoup dans notre alimentation. On oublie finalement à quoi ça sert. À quoi ça sert, c'est très utile. Gluten vient du latin glut, qui veut dire colle, déjà là. Et c'est un réseau de protéines extensibles qui se développe dans la farine. C'est comme les mailles d'un filet. D'accord. Voilà. Donc, mais alors, en quoi c'est important dans la pâtisserie? C'est très important pour tout ce qui est pain, brioche, croissant. Ça donne l'élasticité quand on déchire la pâte. Ouais. Ça donne vraiment l'aspect élastique. Ah, donc, par exemple, dans une baguette, si on peut bien la déchirer aussi, c'est parce que du gluten? C'est vraiment grâce au gluten. Moins il y a de gras et moins il y a de sucre dans la recette, comme de la baguette. C'est de la farine, de l'eau, du sel, le vin. Le gluten, il est complètement libre de se développer à son meilleur. Donc, la baguette, c'est très élastique. C'est dur à déchirer, c'est le gluten. Le gluten se forme au contact d'un liquide. Alors, on aurait beau brasser de la farine à sec, là, ça ne marchera pas. Mais avec le contact des protéines, c'est pour ça qu'il faut malaxer longtemps. Quand on fait une pâte à pain, on dit qu'il faut pétrir 10-15 minutes pour permettre au gluten d'entrer en contact avec l'eau qu'on a mis et de bien se développer. C'est pourquoi les muffins, les biscuits, il ne faut pas brasser trop parce qu'on ne voudrait pas développer ça. On ne veut pas que les biscuits soient élastiques ou les muffins. Donc, c'est un art. Ouais, donc ça c'est plus pour le pain quand on le pétrit. Oui, voilà. Ouais. Et puis, dans un gâteau, pas pour le pain, on ne met pas vraiment de matière grasse, mais dans un gâteau, on met de matière grasse, donc du beurre, de la margarine. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Eh bien, ça va dépendre. Il y a beaucoup de matière grasse. Selon les recettes, ça peut être de l'huile, du beurre, de la margarine, du shortening, du lard. C'est un peu moins la mode maintenant avec tout ce qu'on sait sur le cœur, mais bon. Il n'y a pas vraiment de réponse sur ce qui est la meilleure matière grasse, mais de loin, le beurre emporte haut la main la palme de popularité avec les pâtissiers et les cuisiniers en général. Et le beurre sert à retenir les petites bulles d'air qu'on crée lorsqu'on utilise un fouet et qu'on fouette. Donc, ça donne un peu de la structure et ça empêche de rancir. Ça permet une plus longue conservation du gâteau également. Donc, il est meilleur plus longtemps. Mais quand on mange très vite comme moi, remarque. des fois, les gâteaux, c'est rare que ça se perd, mais bon. Bon, et puis, leur dernier ingrédient vraiment indispensable dans une pâtisserie, c'est le sucre. Ah, ben oui, ça serait triste, des pâtisseries sans sucre, là. Je sais pas, ça c'est serait pas triste. Des pâtisseries. Non. Mais le sucre a aussi un rôle structural. Ça aide également à donner structure quand on bat la pâte. Ça permet aussi le brunissement, la caramélisation qui fait une belle croûte dorée. Donc, aspect visuel important, le sucre joue un grand rôle là-dedans et aide à préserver l'humidité De par sa nature, le sucre garde les molécules d'eau près de lui. Ça donne une mie plus moelleuse. Donc, voilà. Peut-être que, c'est que la croûte caramélisée fait aussi une surface avec le milieu extérieur. Ça retient probablement aussi. Exactement. Puis, il y a un ingrédient aussi dont on n'a pas vraiment parlé, c'est la levure. Le levain. Ah, c'est petite quantité, mais c'est essentiel. Pour avoir un gâteau avec une texture agréable. Les agents levains, on utilise souvent de la poudre à pâte. Là, je ne parle pas de levure à pain. Là, on va rester dans le chimique un peu. De la poudre à pâte, c'est du bicarbonate de soude avec un agent acide et de la fécule de maïs. Ça a l'air un peu mystérieux comme mélange, mais ça fait lever la pâte au contact avec l'eau. Lorsque la poudre à pâte... Ça marche? Oui. Ouais. En fait, la raison, c'est que l'acide réagit avec le bicarbonate pour faire du CO2. Exactement! Qui gonfle le... Serais-tu un pâtissier émérite aussi? Oui! Pardon? Si? Serais-tu un pâtissier émérite également? Non, pas du tout. Je suis un chimiste. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est grâce à la petite cuillerée à thé ou à table qu'on ajoute à tout notre mélange qui va permettre une formation de gaz carbonique qui va faire que lors de la cuisson, on voit vraiment le gâteau qui gonfle. Oui. Et c'est tous les autres éléments de la recette qui permettent de garder ce gonflement-là suite à la cuisson. Alors maintenant, là, on a mis tous ces ingrédients, là, la farine, la matière grasse, le sucre, le levain, tout. Maintenant, on met ça au four. Et qu'est-ce qui se passe dans l'antre du four? Qu'est-ce qui se passe dans l'antre du four? Pour transformer la pâte en forme blanchâtre, on a un beau gâteau. Qu'est-ce qui se passe? Donc, premièrement, les graisses fondent. Hein? Donc, du beurre, quand ça chauffe, ça devient plus liquide. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met des biscuits sur une plaque. Hein? Il faut les mettre espacés parce qu'ils vont se toucher. Ouais. Donc, c'est vraiment littéralement prendre l'expansion avec la graisse qu'ils font. Deuxièmement, les gaz se dilatent, comme on vient de l'expliquer. Bon, mais il y a le CO2, le gaz carbonique de la poudre à pâte qui fait gonfler. Également, juste la vapeur d'eau, juste l'eau qui s'évapore dans le liquide, ça fait gonfler également. Et la structure du gâteau, là, se tient à cause du gluten, qu'on a parlé tantôt. Donc, ça aide aussi lors de la cuisson. Qui est dans la farine, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. En troisième temps, les protéines vont se coaguler, comme on dit, vont coller ensemble. C'est les protéines des œufs et de la farine, comme on a parlé. Ensuite, l'amidon. Je n'irai pas dans les détails. C'est le type de sucre qu'on retrouve dans la farine, mais qui ne goûte pas sucré au premier abord, mais qui est un type de sucre. Va se gélatiniser et va permettre de donner un état solide au gâteau. Et finalement, comme tu en as abordé un petit peu, la croûte va se colorer. Hein. C'est ce qui donne un beau gâteau doré. La surface de la pâte qui est exposée à l'air dans le four va se déshydrater. Elle est beaucoup plus chaude que dans le fond. Et ça va faire la caramélisation du sucre et une belle croûte dorée. Bon résulté. Donc finalement, le fond du gâteau, lui, il reste hydraté. Il est moins chaud que la surface, donc il reste hydraté. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une croûte et une mie plus tendre à l'intérieur. Ben, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche. C'est un petit peu cruel. Oui. Puis bon, j'imagine que maintenant, on ne verra plus jamais notre gâteau de la même façon quand on va préparer notre... Et puis, juste en passant, si vous voulez des détails, il y a un livre très intéressant, très bien vulgarisé, qui s'appelle « La chimie des desserts » par Christine Blais et Ricardo, le cuisinier populaire, qui explique très, très bien, là, beaucoup plus en détail, toute la chimie des desserts. C'est très intéressant. Donc, le pourquoi, comment de tous les petits détails. Oui, pourquoi vous ratez votre pâte à tarte, pourquoi vous brûlez vos biscuits, n'importe quoi. Donc, ça s'appelle « La chimie des desserts » par Christine Blais et Ricardo. Parfait. Eh bien, en tout cas, je vois que la pâtisserie n'a pas vraiment de secret pour toi. C'est quand que tu nous fais une dégustation? Ah, la prochaine fois, je vous jure, je vous amène un gâteau. On a bien hâte. Ouais, merci beaucoup. Ben, avant de déguster, publicité sur CKRL au 89,1.